L'amie prodigieuse de Elena Ferrante, traduit de l'italien par Elsa Damien. Les parents de Lilla ont refusé d'envoyer leur fille au collège. Pour eux, c'est du temps perdu. Les parents de Lenou, sous la pression de la maîtresse, ont accepté que leur fille aille au collège, mais à condition que ses résultats soient excellents. Si ses notes baissent, elle ira travailler. Quatrième épisode, des chaussures de prince. Et tu sais, mon père, quand il était jeune, il a voulu être autonome et il a quitté la boutique de mon grand-père, qui était cordonnier, pour aller travailler dans une fabrique de chaussures à Cassorlia. Ah oui. Et il a fait des souliers pour tout le monde, même pour ceux qui partaient à la guerre. Ah bon ? Oui. Donc mon père, il sait fabriquer une chaussure à la main, du début à la fin. Oh, il est trop fort. Oui, et il sait choisir le meilleur cuir, le plus résistant possible. Il fait toutes les coutures lui-même. Mais comment on fait ? Alors, Lilla me parlait de cuir, de tige, de maroquinerie, de bons bouts et de talons, de la préparation du fil, des patins et de la manière dont on fixait la semelle, la colorait et la faisait briller. Elle utilisait tous ces mots de professionnel comme s'ils étaient magiques et comme si son père les avait appris dans un monde enchanté. Cassoria, la fabrique. Lilla m'entraîna dans ce vocabulaire avec un tel enthousiasme et je rentrais chez moi avec l'impression que j'étais exclue d'un rare privilège. Une période de malaise débuta. Je grossis. Deux boules très dures se mirent à pousser sous la peau de ma poitrine. Des poils apparurent sous mes aisselles et sur mon pubis. C'est moche d'être femme. Je devins à la fois triste et nerveuse. Oh, mais ça fait mal quand je touche. En classe, j'ai eu plus de mal que les années précédentes. Les exercices de maths ne donnaient presque jamais le résultat prévu par le manuel. Et les phrases de latin ne me semblaient avoir ni queue ni tête. Dès que je le pouvais, je m'enfermais chez moi dans les toilettes et me regardais nue dans la glace. Je ne savais plus qui j'étais. Je pleurais souvent et brusquement. Puis, ma poitrine, de dure qu'elle était, se fit au contraire plus grasse et plus molle. Come forse un bambino che ritorna deluso. Elena. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu sais que les autres, ils disent, que tu rembourses ton soutien-gorge avec du coton. Ah bon ? Moi, je leur ai dit qu'ils se trompent. J'ai même parié 20 lires là-dessus. Et si j'ai raison, je te donnerai 10 lires et je garderai 10 lires. Mais il faut que tu me prouves que c'est pas du coton. Donne-moi d'abord les 10 lires. Alors, c'est moi qui ai raison ? Bah ouais. Il partit en courant. Hé ! Mais il me rejoignit peu après en compagnie d'un autre garçon de la classe dont je ne me rappelle pas le nom. Qu'est-ce qu'il fait là, lui ? Il doit voir lui aussi. Autrement, les autres ne croiront pas que j'ai gagné. Ah ouais ? L'argent d'abord. Et si tu te mets du coton ? J'en mets pas. Bah tiens. Bon, suivez-moi. Il me donna les 10 lires et nous montâmes tous les trois en silence jusqu'au dernier étage d'un immeuble qui se trouvait à quelques mètres du jardin. Là, près de la petite porte en fer qui donnait sur la terrasse, je soulevai mon chemisier et montrai mes seins. Les deux garçons restèrent là, immobiles, à les regarder comme s'ils ne pouvaient pas en croire leurs yeux. Puis ils firent demi-tour et s'enfuirent dans l'escalier. Je poussai un soupir de soulagement et allai m'acheter une glace au bar Solara. Pendant ces années de collège, beaucoup de choses changèrent autour de nous, mais petit à petit, de sorte qu'on ne les perçut pas vraiment comme des changements. Le bar Solara s'agrandit et se mit à faire pâtisserie. Et tous les dimanches, une foule d'hommes, des jeunes comme des vieux, se pressaient devant les étalages pour y acheter des gâteaux pour la famille. Les deux fils de Silvio Solara, Marcello, qui avait dans les 20 ans, et Michele, qui était à peine plus jeune, s'achetèrent une Fiat Milecento bleue et blanche avec laquelle ils paradaient le dimanche en tournant dans les rues du quartier. L'épicerie se remplit de toutes sortes de bonnes choses qui finirent par déborder sur le trottoir. En passant devant, on humait des odeurs d'épices, d'olives, de saucissons, de pain frais, de gratons et de saindoux qui donnaient faim. Don Achille était mort, assassiné en plein jour, un beau milieu d'après-midi. Son décès avait progressivement éloigné son ombre menaçante, à la fois de cet endroit et de sa famille. Ah, c'est Cicéron. Ah, j'adore. Quo usque tandem abutere Catilina, patientia nostra. Lilla, ayant appris mes difficultés en latin, proposa de m'aider à réviser mon examen. Il apparut très vite, à ma plus grande stupéfaction, qu'elle connaissait déjà bien le latin. Mais où est-ce que tu as appris le latin ? Oh, tu sais, j'ai juste emprunté une grammaire à la bibliothèque itinérante de Monsieur Ferraro. Et puis, je l'ai étudiée par curiosité. Donc, ça fait « quo usque », ça veut dire « jusqu'où ». Elle m'imposait 30 phrases à traduire par jour, 20 du latin à l'italien et 10 de l'italien au latin. Elle aussi les traduisait, beaucoup plus vite que moi. Moi, j'étais lente. Je cherchais les mots que je ne connaissais pas dans le dictionnaire, à savoir dans l'ordre où je les trouvais dans la phrase à traduire, en m'appuyant sur les sens principaux et en m'efforçant, à partir de là, de comprendre le sens de la phrase. Tu sais, la prof, elle dit jamais rien. Non, j'essaie juste de me débrouiller comme je peux. Je crois que tu t'y prends pas bien. Tu vois, d'abord, tu lis la phrase en latin. Puis tu cherches où est le verbe. Selon la personne du verbe, tu comprends quel est le sujet. Oui. Quand tu as le sujet, tu cherches les compléments. Le complément d'objet si le verbe est transitif. Sinon, les autres compléments. Et c'est comme ça. Vas-y. Donc, attends. Le verbe... Nos eludet. Mm-hmm. J'essayais. Soudain, j'eus l'impression que c'était facile de traduire. En septembre, je me présentais à l'examen. Je ne fis pas la moindre faute à l'écrit et sus répondre à toutes les questions à l'oral. Et ensuite, etiam encore. Et donc, ça veut dire combien de temps cette fureur qui est la tienne se jouera-t-elle de nous ? Mais avec qui as-tu pris des cours de latin ? Avec une amie. Elle fait l'université ? Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Oui. À la sortie, Lilla m'attendait. Alors ? Ça s'est très bien passé. Ah ! Et c'est grâce à toi. On va continuer à travailler ensemble cette année. Je pense pas. Je voulais juste comprendre ce que c'était ce latin qu'apprenaient tous les bons élèves. Et alors ? Je compris, ça me suffit. Mais il y a encore beaucoup à apprendre. Tu apprendras pour moi. Mais pour le moment, j'ai quelque chose à faire avec mon frère. Quoi ? Je te montrerai après. Oui. Et si au lieu de réparer les chaussures des autres, tu fabriquais des chaussures neuves ? Écoute, Lille, je te l'ai déjà dit. Faire les chaussures à la main, c'est un art qui n'a aucun avenir. Aujourd'hui, il y a des machines. Ces machines, elles coûtent cher, et l'argent, il est soit à la banque, soit chez les usuriers. Mais pas dans les poches de la famille Tcheroul. Mais papa, personne ne sait faire des chaussures comme toi. Il n'y a rien à faire. Quand les gens ont besoin de chaussures neuves, ils ne vont pas chez le cordonnier du quartier. Ils vont dans les magasins du Letifilo. C'est juste de l'argent et du temps perdu. Et moi, je ne veux pas me ruiner. Lilla ne s'était pas laissée convaincre. Et comme d'habitude, elle avait entraîné son frère Rino de son côté. Au début, il avait pris le parti de leur père. Puis peu à peu, il s'était laissé séduire. Et maintenant, il se disputait avec Fernando un jour sur deux, répétant ce que sa sœur lui avait mis dans la tête. Un jour, Lilla me montra les dessins des chaussures qu'elle voulait réaliser avec son frère pour homme et pour femme. Regarde. C'était des dessins magnifiques, riches de détails coloriés. C'était elle qui les avait inventés dans leur ensemble et dans tous leurs détails, comme elle le faisait à l'école quand elle dessinait des princesses. Elles te plaisent ? Elles sont très élégantes. Rino dit qu'elles sont difficiles. Mais il sait les faire ? Il jure que oui. Et ton père ? Il en est sûrement capable. Alors vous n'avez qu'à les faire ? Papa ne veut pas. Pourquoi ? Il dit que tant que c'est moi qui joue, ça va, mais que Rino et lui n'ont pas de temps à perdre avec moi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pour faire les choses vraiment, il faut du temps et de l'argent. Mais alors ? On doit essayer quand même. Ça va énerver Fernando. Si on ne sait pas, rien ne change jamais. C'est vrai. Et notre projet d'écrire un roman ensemble pour gagner de l'argent ? Non. Aujourd'hui, pour être riche, il faut une activité économique. Écoute, d'abord on commence avec une seule paire de chaussures, histoire de montrer à papa qu'elles sont belles et confortables. Mmh. Puis, une fois papa convaincu, on passe à la production. Deux paires de chaussures aujourd'hui, quatre demain, 30 dans un mois, 400 dans un an. Tu veux fonder une usine de chaussures ? Oui, ça s'appellera les chaussures Cerullo. Elle m'en parla Cerullo. Avec beaucoup de conviction, comme elle savait le faire. Cuir, Cerullo. Ces phrases peignaient Cerullo devant mes yeux l'enseigne de l'usine Cerullo. Cerullo. La marque imprimée sur les tiges Cerullo. Et puis les chaussures Cerullo elles-mêmes, toutes Cerullo. Merveilleuses et extrêmement élégantes, comme dans ses dessins. Les chaussures comme ça, elles sont tellement belles et confortables que quand tu les as aux pieds, le soir tu vas te coucher sans les enlever. Puis Lila sembla se bloquer. Elle dut se rendre compte que nous étions en train de jouer comme nous le faisions avec nos poupées des années auparavant. Alors elle me dit, comme s'il était urgent de revenir au concret. Tu sais pourquoi les soldats se prennent pour les patrons du quartier ? Parce qu'ils se croient tout permis ? Non, parce qu'ils ont de l'argent. Tu crois ? Bien sûr. Tu as vu que Pinuccia Caracci, ils l'ont jamais embêté ? C'est vrai. Et tu sais par contre pourquoi ils se sont mal comportés avec Ada ? Non. Parce que Ada n'a pas de père, que son frère Antonio compte pour du beurre, et parce qu'elle aide Méline à nettoyer les escaliers d'immeubles. Ah oui, tu dois avoir raison. Par conséquent, ou bien nous gagnons de l'argent nous aussi, et plus que les Solara, ou bien pour nous défendre des deux frères, il fallait qu'on se mette à leur faire très mal. J'ai pris un tranchet dans la cordonnerie. Oh là là, mais c'est dangereux ça. Moi, il ne me touche pas parce que je suis moche et que j'ai encore l'air d'une gamine. Mais toi, il pourrait le faire. Si ça t'arrive, dis-le-moi. D'accord. Je la regardais, interloquée. Nous ne savions rien, à presque 13 ans, des institutions, des lois ou de la justice. C'est pointu. Nous répétions ce que nous avions entendu et vu faire autour de nous depuis notre prime enfance. Oui. La justice ne se faisait-elle pas à coups de raclée ? Je me rendis compte qu'avec ses dernières déclarations, elle avait admis qu'elle tenait beaucoup à moi et je me sentis heureuse. Je réussis mon brevet avec des 8 partout, un 9 en italien et un 9 en latin. Pendant des jours et des jours, je savourais cette suprématie absolue. Mon père me félicita avec effusion et à partir de ce jour, il se vanta auprès de tout le monde de ce que son aîné avait eu 9 en italien et 9 en latin. Brava. Et un 9 en italien et un 9 en latin. Mes parents commencèrent à discuter entre eux pour savoir où ils pouvaient me placer, maintenant que j'avais rien de moins que le brevet. Je peux mettre mon bracelet d'argent le dimanche. Mais tu le perds pas, hein. Merci, mamie. Ouais. Faudrait peut-être songer à la placer. Ouais. Je pourrais peut-être en parler à la papetière. Mm-hmm. Bah oui, je la connais, alors... je sais pas, elle pourrait peut-être la prendre... comme caissière, ou tu vois... C'est pas une mauvaise idée, oui. Et je pourrais aussi parler d'elle à un des chefs de service de la mairie. Pourquoi pas. Je ressentis une grande tristesse en moi, qui, même sans cause précise, ne cessait de croître encore et encore, au point que je n'avais plus envie de sortir, y compris le dimanche. Je n'étais plus contente de moi. Tout me semblait brouillé. De ma propre initiative, je commençais à aider ma mère et à nettoyer la maison. Dans les laps de temps qui restaient, je ne sortais pas. Je m'installais dans un coin et lisais des romans que je prenais à la bibliothèque. Parfois, je ressentais fortement le besoin d'aller chercher Lila à la cordonnerie et de lui parler des personnages qui m'avaient particulièrement plu ou des phrases que j'avais apprises par cœur. Mais je laissais vite tomber. Elle aurait dit quelque chose de méchant, se serait mise à parler des projets qu'elle avait avec Rino, chaussures, usines et argent. Et peu à peu, j'aurais senti que les romans que je lisais étaient inutiles, que ma vie était sordide et que mon futur le serait tout autant. J'allais devenir une grosse vendeuse pleine de boutons dans la papeterie en face de l'église, une employée de mairie vieille fille qui tôt ou tard loucherait et claudiquerait. Un dimanche, j'allais à la bibliothèque à l'invitation de M. Ferraro qui avait organisé une remise de prix. En sortant, je rencontrais Madame Oliviero, mon ancienne maîtresse d'école. Elena ! Oui, madame ? Comme tu es belle ! Tu es devenue une grande fille. C'est pas vrai, madame. Mais si ! Tu es belle comme un astre. Tu as la santé, tu es splendide et bien en chair. Et tu es bonne en classe. J'ai su que tu avais été la meilleure élève du collège. Oui. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire ? Je vais travailler. Mais il n'en est pas question. Il faut que tu continues tes études. Continuer mes études ? Oui. Mais j'ai fini. Mais non. Après, il y a encore le lycée. Et après le lycée, il y a l'université, voyons. Ah bon ? Oui. Je peux pas, mes parents ne veulent pas. Combien il t'a mis en latin, ton professeur de lettres ? 9. Tu es sûre ? Oui. Alors je vais parler à tes parents. Madame Oliviero, l'après-midi même, se présenta chez moi sans prévenir, jetant mon père dans une grande angoisse et mettant ma mère de mauvaise humeur. Bonjour, madame. Monsieur Greco, enfin, votre fille a eu 9 en latin et 9 en italien. Il faut absolument qu'elle continue ses études. C'est sûr qu'elle est brillante, ma fille. Vous devez l'inscrire dans le lycée le plus proche. Et ne vous inquiétez pas pour les livres. Je les lui procurerai moi-même. Mais promettez-moi d'inscrire Elena au lycée. Oui, madame. Bon, voilà une bonne chose de faite. Et comment va Cerullo ? Que fait-elle ? Elle aide son père et son frère en mettant de l'ordre dans les comptes et dans la boutique. Elle sait que tu as eu 9 en latin ? Oui. Dis-lui que maintenant, tu vas apprendre le grec au lycée. Dis-le-lui. D'accord. Au revoir, monsieur Greco. Au revoir, madame. Au revoir, madame. Au revoir, madame. Cette jeune fille nous donnera d'immenses satisfactions. Un après-midi, Lila décida de me montrer où en était la chaussure secrète qu'elle fabriquait avec Rino. Il n'est pas là, papa ? Non, il est sorti. Viens, on lui montre les chaussures. T'es sûr ? Oui. C'était du 43. La pointure de Rino et de Fernando, marron, exactement comme je me rappelais les avoir vus dans un des dessins de Lila. Et elles avaient l'air d'être à la fois légères et robustes. Je n'avais jamais rien vu de tel aux pieds de quiconque. Comme elles sont élégantes. Touche voir ici, et dis-moi si on sent la couture. Non, non, on sent rien. Il me prit les chaussures des mains, mais ça va pas. Les plia, les élargit et me montra comme elles étaient résistantes. Mais Lila n'avait pas l'air satisfaite. Là, regarde, c'est pas assez souple, ça. Mais comment ça, c'est pas assez souple ? Il faudra combien de temps à papa pour voir toutes ces erreurs ? Essayons encore avec l'eau. Lila mit la main dans une des chaussures, comme si c'était un pied, et la fit marcher un instant dans l'eau. Il pleut. Il pleut beaucoup. Elle veut toujours jouer, celle-là. Alors ? Vas-y, touche. Elle est sèche. Elle est humide. Y'a que toi qui la sens, l'humidité. Touche-les, nous. Elle est un peu humide. T'as vu ? Tu la mets 10 secondes dans l'eau et elle est déjà humide, ça va pas. Il faut tout découdre et tout recoudre encore une fois. Mais putain, qu'est-ce que ça peut faire un peu d'humidité ? Si on continue comme ça, on finira jamais. Et moi, je veux pas passer ma vie dans ce trou pourri à faire la bonus pour papa et à regarder les autres s'enrichir. Rino ! J'y vais. Salut. Je m'en allais, à la fois désorientée par la fureur de ce jeune homme d'habitude si gentil, mais aussi fière de voir que mon opinion avait fait autorité et avait été décisive. Lila avait l'air de beaucoup s'inquiéter pour son frère, beaucoup plus qu'elle ne le faisait auparavant. T'es inquiète ? C'est ma faute. Je lui ai fait croire que la chance était au coin de la rue. Le point culminant du conflit fut atteint le jour de l'épiphanie. Apparemment, elle se réveilla et trouva près de son lit une chaussette remplie de charbon. Elle comprit que Rino avait fait Merci le coup et au petit déjeuner, mit le couvert pour tout le monde sauf pour lui. Sa mère apparut. Son fils lui avait laissé, pendu à une chaise, un bar rempli de bonbons et de chocolat, ce qui l'avait ému. Elle adorait ce garçon. C'est alors qu'apparut Fernando en caleçon et maillot de corps, une boîte en carton à la main. Et regardez un peu ce qu'elle m'a apporté, la Béfane. Il sortit de la boîte les chaussures neuves, fabriquées en secret par ses enfants. Lila fut tellement surprise qu'elle en resta bouche bée. Elle n'était pas du tout au courant de cette initiative. Ah, la Béfane les a faites exactement à ma pointure. Vraiment confortable. Ce sont des chaussures de prince. Celui qui a fait ces chaussures est vraiment un as. Elle est forte, la Béfane. À chacune de ses paroles, on sentait qu'il souffrait et que cette souffrance le remplissait d'une envie de tout casser. Et elle a prévu les plis d'aisance. Mais Rino n'avait pas l'air de saisir. Ah oui. À chaque parole sarcastique de son père, il se sentait de plus en plus fier. Lila aurait voulu sortir de la cuisine pour échapper à l'imminente explosion de furie de son père, mais elle n'arrivait pas à se décider. Le claquage. Et ne voulait pas laisser son frère seul. Tante. Ah, elle est forte, la Béfane. Elles sont à la fois légères et solides. Ah, ça, rien n'a été bâclé. Et surtout, je n'ai jamais vu personne en porter de pareil. Elles sont très originales, avec cette pointe élargie. Mais tourne-toi, Rino. Il faut que je remercie la Béfane. Animal, couillon. Fernando. J'en ai marre de trimer toute la journée pour rien. Rien, tu m'entends? Viens me tuer plutôt que de continuer à travailler gratis pour toi, papa. Pour rien. Fils maudit. Oh, Dieu. Oh, Fernando. Prends ça. Papa. Papa. Arrêtez. Arrêtez. Père et fils retournèrent travailler ensemble, muets, enfermés dans la misérable boutique avec leur désespoir. Pendant un temps, on ne parla plus de chaussures. Lila décida définitivement que son rôle était d'aider sa mère. Faire les courses, cuisiner, laver le linge et l'étendre au soleil. Et elle ne retourna jamais plus à la cordonnerie. De temps en temps, elle embrassait son frère sur la joue pour lui faire comprendre qu'elle n'était plus en colère. Rino, je suis plus fâchée. C'est toi qui m'as trahi, c'est que le début. Tôt ou tard, tu vas épouser un imbécile et tu t'en iras. Et tu me laisseras vivre dans la misère pour toujours. Parfois, quand il n'y avait personne à la maison, Lila allait dans le cagibi où elle avait caché les chaussures. Et elle les touchait, les regardait, émerveillée qu'elles existent malgré tout. Et qu'elles soient nées grâce à un petit dessin sur une feuille de cahier. Tellement de travail fichu en l'air. À suivre. L'amie prodigieuse de Elena Ferrante, traduit de l'italien par Elsa Damien, adapté par Victoire Bourgois. Quatrième épisode, des chaussures de prince, avec Amira Kazar, Louise Ori Di Chiro, Giulia Dussolier, Sophie Goubri, Louis L., Jean-Charles Di Zazzo, Johanna Cortals-Altès, Étienne Galarag, Stefo Linard, Françoise Cousin, Océane Mosas. Musique originale, Arthur B. Gillette. Conseillère littéraire, Catel Guillou et Emmanuel Chevrière. Bruitage, Céline Bernard. Prise de son, montage et mixage, Julien Douminc et Bastien Varigo. Assistant à la réalisation, Pablo Valero. Réalisation, Sophie Aude Picon. L'Amie prodigieuse est éditée aux éditions Gallimard.